D'après le journal Internet sud-coréen Tongilnews, le comité sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin livre les activités pour exiger des candidats au présidentiel des promesses pour l'amélioration des relations intercoréennes, la paix et la réunification de la péninsule coréenne. Le comité a organisé les mouvements de déclaration de 10 000 et de 1 000 habitants, respectivement dans les provinces du Jeolla du Nord et du Sud, du Gyeonggi et du Gyeongsang du Sud, et dans les villes de Séoul, d'Ulsan et de Gwangju. Le 2 mai, le comité a publié la déclaration de paix de 3 000 femmes et tenu une conférence de presse à la place de Gwanghwamun à Séoul pour présenter son exigence aux candidats au présidentiel avant de publier le texte de conférence de presse.